بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد فان سجور le 19 du mois de Ramadan de l'année 1439 après la hijra de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous avons pu bénéficier de cette allocution de notre cher Cheikh Tamir ibn Hadi Habidahullah ta'ala et comme on a l'habitude de faire une brève introduction avant la présentation de ce cheikh que nous avons appelé aujourd'hui. Cette brève introduction, comme on a l'habitude de faire, de rappeler pourquoi nous faisons ces appels et aussi d'insister sur le but de cette série de cours qui est, que nous avons intitulé une série de réfutations sur les ambiguïtés de notre temps. C'est le troisième cours de cette année. Il y aura aussi le prochain cours qui sera demain à 16h avec Cheikh Oussama Al-Amri, comme c'est marqué ici au tableau de la mosquée. Donc demain à 16h avec notre cher Cheikh Oussama Al-Amri de Jodda. Incha'Allah ta'ala. Aujourd'hui le cours est avec notre cher Tamir Hadi d'Égypte. Il va faire sa présentation dans quelques petites minutes après l'introduction. C'était le troisième cours. Le premier cours était un cours avec notre cher Cheikh Khalid Othman Al-Misri, Habidahullah ta'ala, qui était un cours général sur l'importance des réfutations aux ambiguïtés, ces grandes ambiguïtés qui sont répandues de nos jours, l'importance de faire l'effort de réfuter ces gens-là et de répandre ces réfutations au niveau des musulmans et surtout auprès des gens de la masse, auprès des jeunes, etc. Le deuxième cours était une réfutation sur la secte des coranistes donnée par notre cheikh Shirad al-Sayyid Hafidhahullah ta'ala, et ce troisième cours était sur l'athéisme comme on a traduit approximativement en français ici, donc l'athéisme et ses dangers pour les jeunes de la communauté. Le cours de demain sera aussi sur le sujet des réfutations et comment se fait la réfutation de groupes ou d'individus auprès des gens de la sunna. L'introduction aujourd'hui que je vais faire, c'est par rapport à certaines choses qui sont répandues auprès de certaines personnes par rapport aux réfutations. Les réfutations, comme vous avez pu entendre de nos mashayikhs depuis le début de ces cours, le fait de faire des réponses aux gens d'innovation et de les réfuter, cela fait partie de la plus grande manière ou de la manière la plus importante par laquelle se bat et combat le musulman contre les ennemis de l'islam. Bien sûr, ces réfutations appartiennent aux gens de science, mais que toi, lorsque tu as appris de ces gens de science et que tu as compris un sujet, il te convient d'appeler à cela, comme le cheikh Tamir Hadi a rappelé à la fin du cours, le fait d'appeler à cela et de mettre en garde contre eux afin de préserver tes frères, tes sœurs, tes pères et tes mères, tous ceux qui forment la communauté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et comme le disait l'imam Ahmad rahimahullah ta'ala lorsqu'on lui a posé la question, donc l'imam Ahmad qui était parmi les grands imams avec l'imam Abu Hanifa, l'imam Malik et l'imam Shafi'i, les grands imams de cette communauté, l'imam Ahmad qui, lorsqu'on lui a posé la question sur une personne qui prie et qui jeûne et qui passe la nuit en prière, qui fait des adorations et qui est assidu dans cela, et une personne qui fait des réfutations aux gens de l'innovation, eh bien, quel est le plus aimé pour lui auprès de lui, auprès de l'imam Ahmed. L'imam Ahmed de répondre que celui qui jeûne et qui prie la nuit et qui est assidu dans ses adorations, celui-là, il le fait pour lui-même, pour sa propre personne. Mais celui qui étudie la science et qui la répond auprès des gens et qui réfute les ambiguïtés, ce qui touche à l'islam, afin de dénaturer l'islam, eh bien, cette personne-là, il fait partie des meilleurs. Il est meilleur que le premier qui est assidu dans ses adorations, car ce premier, il le fait pour lui-même, et ce deuxième, eh bien, il le fait afin de défendre la communauté. Donc son bien se retrouve auprès de chaque personne de cette communauté. Ces réfutations qui sont faites par nos savants et dont lesquelles nous profitons, et ces réfutations qui nous incombe à tout à chacun de ramener chez nous, de mettre en garde contre ces pensées qui sont des pensées destructrices, qui détruisent le manhaj, la méthodologie de chaque musulman, ainsi que sa croyance, l'aqida, al-sahiha, qui détruisent la croyance de nos frères et nos sœurs, de nos pères et nos mères. Eh bien, cela, il incombe à tout à chacun de le rapporter chez lui et de le prêcher. Chacun le prêche en fonction de ce qu'il peut. C'est-à-dire que tu as entendu ces paroles-là, tu les as compris, tu as compris aujourd'hui qu'est-ce que l'ilhad, c'est-à-dire l'athéisme. Eh bien, alhamdulillah, c'est quelque chose que tu dois prêcher quand tu rentres chez toi. Tu mets en garde ton père, ta mère, tes frères, tes sœurs, ta femme, tes enfants. Et toutes ces pensées que nous détaillons, ce sont des pensées, comme on a déjà dit, qui sont très répandues. Ce sont des pensées qui sont très répandues ici, par exemple, en France, ou dans les pays d'Occident en particulier, qui touchent aussi donc les terres d'Islam, ça il n'y a aucun doute, mais dans, en particulier dans ces pays d'Occident, où ces ambiguïtés sont très répandues. Si tu vas dans beaucoup de mosquées, tu as l'habitude de prier dans beaucoup de mosquées ici en région parisienne, en dehors de la région parisienne aussi en France, tu peux trouver dans chacune de ces mosquées ou dans la plupart de ces mosquées des livres de ces gens de l'innovation, des livres sur l'ilhad, des gens qui appellent à cela l'athéisme. Parmi ces gens qui appellent à cela, même s'ils ne se revendiquent pas comme étant des athées, bien sûr ils ne peuvent pas se revendiquer comme étant des athées, car comme on va le voir ici dans la traduction approximative de ce cours, l'athéisme est pire encore que l'association, il fait partie des plus grands des péchés, de la plus grande forme de mécréance, l'athéisme. Regarde dans ta famille, il y a peut-être des gens et toi tu ne le sais même pas, parce que tu ne passes pas du temps à t'asseoir et à parler avec les gens de ta famille, tes petits frères, tes petites sœurs, ta mère, ton père, qui sont touchés par ces choses-là. Une grande secte qu'on aura, Inch'Allah, l'occasion de réfuter par ces appels téléphoniques, la secte de l'Ahbash, que vous avez sûrement entendu parler. Ces gens-là, ils sortent dans les marchés et ils donnent des calendriers à nos mères, nos sœurs, et ils les ramènent dans leur secte de cette manière-là. Et toi, tu es dans cette maison, tu vis avec eux, ils te ramènent un calendrier, comme tu n'as pas le temps de t'asseoir avec eux, de parler avec eux, comme tu n'as pas non plus la science qui te permet de réfuter ces gens-là, et tu n'as pas la science de la manière dont laquelle viennent ces gens de l'innovation, tu ne sais pas que ton père, ta mère, ton frère et ta soeur, ils sont touchés par ces pensées-là, qui sont des pensées qui détruisent leur religion, qui détruisent leur croyance, la chose par laquelle, sur laquelle ils seront jugés et sur laquelle ils seront interrogés et par laquelle il aura leur devenir en enfer ou au paradis. Donc il faut bien faire attention, et là ce qu'on fait c'est vraiment l'étude de notre religion. On apprend le manhaj, l'aqida, al-sahiha, auprès des savants et des grands étudiants en sciences, donc de la meilleure manière, dans la manière dont Allah Azza wa Jalla nous a ordonné. Fas'alou ahla dhikrin kuntum la ta'lamoun, demandez aux gens du rappel si vous ne le savez pas. Une dernière chose par rapport à ces rappels, il faut bien savoir, comme on a eu l'occasion de le dire, que la personne qui se lance dans cela, le fait de faire des réfutations, de réfuter, de faire des réponses aux gens de l'innovation, il sera éprouvé. Et comme il le dit Allah tabaraka wa ta'ala, si tu peux m'en dire le mushaf, s'il te plaît. Comme il le dit Allah tabaraka wa ta'ala dans son livre, الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهِ. Et aussi dans ce deuxième verset où Allah Azza wa Jal dit, donc c'est la parole de Luqman à son fils, Al-Abd al-Salih, Luqman à son fils, il dit, يَا بُنَيْ أَقِمِ الصَّلَةِ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَنْهَانِ الْمُنْكَرِ واصبر على ما اصابك ان ذلك لمن عزم ان ذلك من عزم الامور. Donc dans le sens approximatif de ces paroles, de ces deux versets, juste quelque chose de très important qui a été rappelé par nos savants dans ces cours, le fait que tu seras éprouvé, c'est quelque chose qui t'éprouvera dans ta vie, peut-être dans ta vie personnelle, dans ta religion, le fait que tu fasses ces réfutations, car c'est quelque chose qui peut fâcher certains. Et on va finir donc l'introduction par un dernier point qui est très important de savoir. Il dit Allah Azza wa Jalla dans le premier verset que j'ai cité, dans le sens approximatif de ces paroles, ceux qui communiquent les messages d'Allah le craignent et ne redoutent nul autre qu'Allah. Et Allah suffit pour tenir le compte de tout. Ça, ce sont ceux qui font ces réponses, qui enseignent la religion aux gens et qui réfutent ces choses-là, comme notre cher Cheikh Khalid Othman a évoqué, et comme notre cher Cheikh Adel Sayyid a évoqué aussi, si vous vous rappelez, le fait que les prophètes et les messagers étaient envoyés à leur peuple et ils ont patienté. Et eux, leur travail était d'appeler au tawhid, à l'unicité d'Allah Azza wa Jal, seul et sans associé, et à réformer les croyances. Donc c'est bien ça, les réfutations des mauvaises croyances. Le fait de répondre à ces mauvaises croyances qui étaient répandues dans leur peuple et à les ramener vers la base, l'origine qui était sur laquelle était Adam alayhi salam, et 10 siècles après lui, jusqu'à l'époque de Nuh alayhi salam, le premier envoyé aux gens de la terre, ils étaient sur le tawhid al-khalis, l'unicité d'Allah Azza wa Jal pure. Et donc les messagers renvoient les gens vers cela et œuvrent à réformer les croyances. Ce que les savants font après cela, car ils sont les héritiers des prophètes après le dernier prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et tout à chacun nous convient de faire cela lorsque nous avons appris une chose afin de défendre la religion d'Allah, et chacun à son niveau. C'est-à-dire que toi tu es quelqu'un, un petit étudiant qui étudie un petit peu, on ne te demande pas de faire des cours magistraux, mais commencer par les gens qui te sont les plus proches, les gens que tu vois faire ces innovations devant toi, les gens que tu vois tomber dans ces erreurs. Le deuxième verset que j'ai cité, c'est la parole de Luqman à son fils, où il dit, dans le sens approximatif de ses paroles, « Ô mon enfant, accomplis la salat, accomplis la prière, recommande le convenable, interdis le blâmable et endure ce qui t'arrive avec patience, telle est la résolution à prendre dans toute entreprise. » Donc Allah Azza wa Jalla nous montre dans ces versets que une personne qui appellera à cela, eh bien, il sera éprouvé. Et il se peut que tu parles sur ton père et sur ton frère parce qu'ils sont sur une voie qui n'est pas la voie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et que tu les réfutes et que tu, ça devienne ton ennemi, car ils ne suivent pas la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car ils font partie des armées de Shaytan qu'il a enrôlé afin de nuire la religion d'Allah Azza wa Jalla, qu'il le sache ou qu'il ne le sache pas. Il se peut que tu mettes en garde contre ton propre frère ou contre ton propre père, quelque chose qui te sera difficile pour toi d'endurer. Comme cela, il se peut que tu fasses l'éloge à quelqu'un qui, dans ta vie, eh bien, il t'aura causé du tort. Dans, par exemple, dans n'importe quelle chose, peut-être du commerce, dans quelque chose, et quelqu'un qui ne te sera pas sympathique, eh bien, il se peut que toi, tu fasses l'éloge de cette personne-là en public, car tu veux que les gens apprennent de lui, car c'est quelqu'un qui a une croyance pure, une bonne croyance et un bon manhaj, tu veux que les gens apprennent de lui. Donc ça, c'est quelque chose de difficile à endurer. Un dernier point avant de rentrer dans la traduction du cours, une chose qui est très mal comprise chez beaucoup de frères, ils prennent des paroles des savants, c'est quelque chose qu'on connaît depuis des années, et beaucoup, malheureusement, sur ces YouTube, où ils prennent donc des paroles qui sont coupées, et donc il y a du bien dans cela, c'est sûr, de répandre les paroles des savants, mais parfois elles sont coupées et les gens utilisent des paroles qui sont à portée générale pour les appliquer à un sens, à une situation particulière, et parfois une parole, une fatwa d'un savant qui est sur une situation particulière et il le généralise. Et ça, c'est un grand problème. Comme ici, par exemple, les réfutations, certaines personnes, comme on le voit au quotidien depuis des années, ils prennent des paroles de nos grands savants et des savants en général, de nos grands savants aussi, qui disent peut-être que délaisser cela, ce sont des sujets qui fâchent, il faut se réunir, délaisser ces choses-là, le fait de réfuter, de parler sur un tel et un tel, et ils le répondent comme si ça c'est une base dans notre religion. Alors que comme vous avez vu dans tous ces appels qu'on a fait depuis des années, et cette année en particulier, puisque c'est vraiment ça le but des appels, de réfuter certaines sectes et certaines pensées, vous avez vu que la base, c'est que Allah Azza wa Jalla a envoyé ses messagers pour cela, pour appeler au tawhid et réformer les croyances. Le fait de faire des réfutations, réformer en faisant des réponses à ces gens qui auront ramené dans la religion d'Allah Azza wa Jalla ce qu'il n'en est pas. Donc on voit que c'est bien ça la base. Sans dire que nous ne sommes pas là pour se réunir. Bien sûr, nous savons appel au fait de se réunir, mais se réunir sur quoi? Si chacun d'entre nous va dans un sens, se réunir sur la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur le livre d'Allah et sur la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il le dit Allah Azza wa Jalla, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Allah Azza wa Jalla dit, et accramponnez-vous à quoi? Est-ce qu'il a dit wa'tasimu jami'an? Il a dit wa'tasimu bihablillahi jami'an. Hablullah, les sahaba, ils l'ont expliqué comme étant la ilaha illallah. Certains l'ont expliqué comme étant ar-rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Certains l'ont expliqué donc ar-rasoul, après lui sallallahu alayhi wa sallam, c'est sa sunna. Certains l'ont expliqué comme étant kitabullah. Et tout cela, les ulama disent que c'est quelque chose qui est véridique. Donc, tous ces points-là, donc hablullah, c'est la ilaha illallah. La sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le livre d'Allah. Donc Allah, il nous dit de nous cramponner à quoi? À cette chose-là, pas de se cramponner les uns les autres ou les uns aux autres sans aller vers la même direction. Une parole qui m'est parvenue il y a quelques jours, ou peut-être même hier soir, une parole d'un frère qui envoie comme cela des paroles de Cheikh Abdel Mohsen al-Badr. Cheikh Abdel Mohsen al-Abbad qui fait partie des grands savants de Médine. Hafidahullah ta'ala, qui est un grand savant, qui est un des plus grands savants vivants à nos jours. Muhaddith al-Médine, Cheikh Abdel Mohsen al-Abbad. Et qui dit, ce sont des gens qui lui posent la question, et qui dit donc délaissez les choses qui fâchent, rassemblez-vous entre vous. C'est sûr que là, et cette personne, elle envoie cela comme pour dire que ça c'est la base, il faut qu'on se rapproche, il faut délaisser les réponses aux gens. Mais écoutez même la question qui est posée au Cheikh. Il parle de gens qui sont sur la sunna dans un pays bien précis et qui vont chacun et qui prennent à la tête chacun d'entre eux, qui forment des groupes et à la tête de chacun d'entre eux un Cheikh et qu'ils suivent et qu'ils n'acceptent pas la parole de l'autre, du Cheikh de l'autre groupe. Ça c'est sûr que ça c'est pas la salafia. C'est pas ça la sunna, il n'y a personne qui dira cela. Et Shir, il a répondu en fonction de ça, de la question qu'il lui posait. Ce Shir, Abdel Mohsin Al-Abbad, qui est un grand savant qui, si vous allez sur son site, c'est pas quelque chose de caché, vous trouverez des réfutations à beaucoup de sectes et beaucoup de personnes. Beaucoup de sectes et beaucoup de personnes, ils sont dans Qism al-Maqalat, les articles écrits sur son site. Donc il faut bien réfléchir avant de prendre certaines paroles et de les appliquer comme cela et de se dire voilà c'est ça la base, nos savants ils sont sur cela, ils ne sont pas sur cela, vous divisez, vous êtes comme cela. Ça c'est une ambiguïté qui est très répandue et malheureusement chez des frères qui s'apparentent à la sunna. Voilà, ce dernier point avant de commencer donc là, une brève présentation de notre cheikh que nous avons appelé aujourd'hui, cheikh Tamir ibn Hadi, Abu Abdillah Tamir Hadi al-Rabi. Cette personne là, Habibullah, qui est un parmi les mashayikh d'Égypte. C'est quelqu'un qui ne fait pas partie des savants. Comme je vous ai dit, on va appeler des savants, on va appeler des grands étudiants en sciences, on va appeler des gens qui font partie des grands savants. Comme il y a eu dimanche matin dans une autre mosquée du côté de chez nous dans le 77, on a pu avoir notre cheikh Cheikh Abdelrahman Mouhiddin. Comme c'était un peu tôt le matin, comme c'est Cheikh Abdelrahman, comme on a dit, il fait partie des grands savants de Médine. C'est un mufti dans la mosquée du prophète Sallallahu Alaihi Wasallam, mais la mosquée de Qiba. Il est déjà venu ici en France, on l'a déjà accompagné ici en France. Il était ici, on a profité de lui il y a quelques années. Cheikh Abdelrahman Mouhiddin, qui est un grand savant de la ville de Médine, on a réussi à la voir l'autre jour, c'était à 9h du matin, donc on n'a pas voulu venir ici. Peut-être que les gens étaient occupés, etc. Mais on a fait ça dans une mosquée du côté de chez nous, dans le 77, et l'audio, elle est disponible. C'était des conseils généraux. Donc on a dit qu'on allait avoir des grands savants, Inch'Allah, ce qu'on a pu avoir. On a dit qu'on allait avoir des gens qui sont en dessous de cela, des savants, aussi des gens qui sont des grands étudiants en sciences, et tout cela, il rentre dans Ahl al-Dhikr, qu'Allah Azza wa Jalla nous a ordonné de revenir pour apprendre notre religion. Fas'alou Ahl al-Dhikr in kuntum la ta'lamoun. Demandez aux gens du rappel si vous ne savez pas. Et à chaque fois, on vous dit bien, afin que chacun s'éduque sur cela, on vous dit si cette personne est un grand savant, si cette personne est un savant, si cette personne est un grand étudiant en sciences, si cette personne ne sait pas si c'est un savant ou pas. On n'a pas entendu des gens de science dire de lui que c'est un savant. C'est possible que ce soit un savant, mais nous, on n'a pas entendu, donc on dit ce que les gens de science ont dit. Et c'est comme ça que tu sais qui est le savant. Tu dis, un tel est un savant. Pourquoi ? Parce que le frère, un tel ou un tel, l'a dit que c'était un savant. Non, parce qu'un tel parmi les savants l'a qualifié de savant à partir de là, celui que c'est un savant. Ça, on reprendra ça aussi au prochain cours, au cours de demain, puisqu'il y a des choses qui vont venir dans le cours qui ont attrait à cela, qui sont très importantes. Sur Maratib al-Ulama, qu'il y a les grands savants, on revient vers eux pour certaines affaires, les ceux qui sont en dessous de cela, etc. En tout cas, tout ce qu'on appelle, ce sont des gens qui rentrent dans la parole d'Allah Azza wa Jalla, fas'alou ahla dhikrin kuntum la ta'lamoun, les gens du rappel, et que ce soit des grands savants, des grands étudiants en sciences, ils rentrent dans les gens du rappel de qui on apprend notre religion, avec qui on s'éduque. Notre Cheikh Cheikh Tamir Hadi, nos savants en Égypte, comme à la tête de notre père Cheikh Hassan ibn Abdul Wahhab al-Banna, qu'on aura l'occasion d'avoir cette année, notre Cheikh Cheikh Khalid Othman, notre Cheikh Cheikh Khalid Abdelrahman, Cheikh Mohamed Saïd Raslan, Cheikh Adil Sayyid, tous ces savants, ils connaissent très bien Cheikh Tamir Hadi, que lui-même a étudié chez certains d'entre eux il y a bien sûr de cela des années, comme c'est quelqu'un qui est un peu âgé. Il a étudié chez certains d'entre eux qui font partie, qui sont aussi âgés, qui sont des savants qui sont âgés, comme notre cher Cheikh Hassan Ibn Abdul Wahhab qui a 95 ans aujourd'hui, qu'on aura l'occasion d'avoir cette année, Inch'Allah. Et notre cher Cheikh Tamir Hadi a appris de eux, il n'a appris qu'en Égypte, il n'est pas sorti de l'Égypte pour apprendre. Et ils disent tous de lui que c'est quelqu'un de qui on prend la religion, quelqu'un qui est un grand étudiant en sciences, quelqu'un qui a de la science, il fait des conférences avec eux, ce qui montre l'intérêt et l'estime qu'il lui porte, que nos savants lui portent. Et cette personne qui est un petit peu âgée, donc qui a dépassé les 40 ans, notre cher Cheikh Tamir Hadi, qui est imam et khatib dans une mosquée dans la contrée de l'Mounoufiya, en Égypte, à l'extérieur du Caire, qui est diplômé d'un master en sharia de l'université de l'Azhar, bien sûr une université qui n'est pas une université salafi, mais il y a des grandes ambiguïtés, on va en parler dans les cours prochains, Inch'Allah. Mais c'est l'université qui est devant les gens d'Égypte, donc voilà. Et donc notre cheikh qui a étudié chez ses savants de la sunna après avoir pris son master qui est imam ou khatib et qui a des cours au Caire et à l'extérieur du Caire et qui est recommandé par l'ensemble de nos mashayikh. Il a aussi des ouvrages que je rapporterai la semaine prochaine, inchallah. J'en ai donné un frère Belkalim pour qu'il le mette dans la mosquée. Je vous en rapporterai, je vous en distribuerai quelques-uns, inchallah, de ses ouvrages à lui qui sont aussi préfacés par certains de nous savants. Notre cher Cheikh Tamer Hadi, qui a donné ce cours, qui était un cours très bénéfique aujourd'hui, il nous expliquait qu'est-ce que l'athéisme et le danger de l'athéisme pour les jeunes de cette communauté. Le Cheikh de nous dire que l'athéisme fait partie des sortes de mécréance. L'athéisme et de la mécréance fait partie des sortes de mécréance. Il nous dit que l'athéisme est plus dangereux que shirk, l'association à Allah tabaraka wa ta'ala. Cette association à shirk est le plus grand des péchés. L'ilhad, l'athéisme est plus dangereux et plus grave que shirk. Le shirk que Allah Azzawajal a décrit, l'association que Allah Azzawajal a décrit dans son livre comme étant une injustice immense. Comme le dit Luqman, l'Abdou Salih à son fils, « Oh mon fils, n'associe pas à Allah » dans le sens approximatif de ses paroles, « N'associe pas à Allah, certes l'association est une injustice immense. » Le shirk de nous dire que l'ilhad, l'athéisme, est le plus haut degré de la mécréance. Car l'athéisme, comme il va le rappeler après, donc il avait structuré son cours, mais il l'a rappelé aussi au début du cours, le fait que l'athéisme, qu'est-ce que c'est ? L'ilhad, c'est le fait de ne pas croire en l'existence d'un créateur. L'ilhad, l'athéisme, c'est le fait de ne pas croire en l'existence d'un créateur. Et c'est aussi le fait de ne pas croire en une charia, une législation quelle qu'elle soit, comme le fait de ne pas croire en une religion quelle qu'elle soit, que ce soit une religion véridique ou c'est-à-dire la religion de l'islam ou une religion fausse, comme la religion sur laquelle est les juifs et les chrétiens de nos jours, les bouddhistes, etc., toutes ces autres religions qui sont en dehors de l'islam, qui est la seule religion de vérité. Ceci est l'athéisme. Et le shirk de nous dire que l'associateur, lui, associé à Allah Azza wa Jal. Donc il croit en Allah Tabaraka wa Ta'ala et il l'associe avec lui, autre que lui. A l'inverse de l'athée, al-mulhid, qui lui ne reconnaît même pas l'existence d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et c'est pour cela que les savants disent que c'est le plus haut degré de la mécréance, al-ilhad, le fait de ne pas reconnaître même l'existence d'Allah, de ne pas reconnaître même l'existence d'un créateur. Et le shirk de nous dire que l'association qui est le plus grand des péchés, que l'athéisme a surpassé dans le mal, cette association est le péché que l'ensemble des prophètes dont l'ensemble des prophètes a mis en garde lorsqu'il a été envoyé à son peuple. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'on lui a posé la question sur cela, il dit c'est le fait que tu, sur l'association, c'est le fait que tu face d'une chose l'égale d'Allah Azza wa Jalla, que tu rendes une chose égale à Allah Tabaraka wa Ta'ala, alors que c'est lui qui t'a créé, Tabaraka wa Ta'ala. Le shirk de nous rappeler aussi ce hadith où le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit « Ne vous informerai-je pas du plus grand des péchés ?» Le sahaba de dire, bien sûr, ya Rasulallah, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire, ash-shirku billah. Ensuite, il a dit en deuxième chose, uquq al-walidayn ila akhir al-hadith. Donc, ce qui est important, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a dit à ses compagnons, ne vous informerai-je pas du plus grand des péchés, ou des plus grands des péchés, dans la traduction, c'est le plus grand des péchés, eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le shirk, l'association. Donc ceci est le plus grand des péchés de par la parole de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le shirk nous évoque ses preuves ce hadith-là pour nous montrer que si l'association est le plus grand des péchés, de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, eh bien, l'ilhad, l'athéisme, est au-dessus encore de cela. Au-dessus encore de cette chose-là. Et le shir de nous rappeler aussi cette parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, où il dit dans le sens approximatif de ses paroles à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous avons certes révélé, alaykoum salam wa rahmatullah, et comme nous avons révélé à ceux qui t'ont précédé, si tu associes, alaykoum salam, eh bien nous rendrons certes vaines tes œuvres. Si tu associes, nous rendrons certes vaines tes œuvres. Le shir de nous dire que si Allah Azza wa Jal a dit cela pour le shirk, pour l'association, eh bien, à plus forte raison pour l'ilhad, c'est-à-dire l'athéisme. Tous ces versets, ces hadiths, donc, comme vous avez compris, le shirk nous les cite au début de cours pour nous montrer l'importance et le grand danger du shirk, de l'association, et de nous montrer aussi l'importance et le plus grand danger encore de l'athéisme. Et le shirk de nous dire que toutes ces paroles qui sont rapportées sur shirk, eh bien, il rentre aussi dans cela, l'athéisme est plus encore. C'est-à-dire que l'athéisme dépasse cela. Comme cela aussi, le shirk nous dit que le shirk, comme vous le savez, l'association, c'est la chose, le péché par laquelle, le péché de par lequel Allah Azza wa Jalla ne pardonne pas son serviteur s'il meurt sur cela, comme il le dit dans le sens approximatif de ses paroles. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quelque chose, mais il pardonne à celui qui veut en dessous de cela. Le shirk de nous dire que cette conférence sera divisée en quatre points. Le premier point, le sens de l'athéisme, shirk. Le sens de l'athéisme, l'ilhad. Comme il nous dit, comme je l'ai rappelé au début du cours, mais je le rappelle ici, qu'est-ce que l'ilhad ? C'est le fait de ne pas croire, l'athéisme, c'est le fait de ne pas croire en l'existence d'un créateur. C'est le fait aussi de mécroire en l'ensemble des religions, qu'elles soient une religion véridique, l'islam, ou toutes les religions qui sont des religions fausses, comme ce sur quoi sont les chrétiens, ou les juifs, ou les bouddhistes, etc., au jour d'aujourd'hui. Et toute autre religion qui n'est pas l'islam, qui est la seule religion de vérité. C'est le fait aussi de mécroire en l'ensemble des législations, de mécroire aussi en l'ensemble des messages, et des messagers, des livres et des prophètes. L'athéisme, c'est bien cela. La deuxième chose, le deuxième point de cette conférence est, que le cheikh a rappelé ici, c'est le danger de l'athéisme. Le cheikh nous dit que toute chose dont Allah Azza wa Jalla a mis en garde d'un châtiment douloureux dans son livre, un châtiment douloureux qui atteindrait les gens qui tomberaient dans l'association shirk, eh bien l'athéisme est au-dessus de cela, rentre dans cela, c'est-à-dire que Allah Azza wa Jal met en garde et annonce un châtiment douloureux à ces gens qui tombent dans l'association et à plus forte raison ceux qui tombent dans l'athéisme. Donc tout verset qui mettra en évidence le châtiment douloureux qu'a réservé Allah tabaraka wa ta'ala pour ceux qui seront tombés dans l'association, eh bien, il s'applique aussi aux gens qui seront tombés dans l'athéisme, et vous pouvez l'appliquer à ceux qui sont, vous pouvez l'appliquer en sens général, bien sûr, pas au cas par cas, à ceux qui sont tombés dans l'athéisme. Pardon. Le troisième point, et c'est le titre de cette conférence, c'est le danger de l'athéisme pour les jeunes de cette communauté. Le shir de nous dire, sache qu'Allah te fasse miséricorde, que il n'est pas une chose qui réforme les gens dans cette vie d'ici-bas que le jugement par un jugement juste. Il n'y a pas une chose qui réforme les gens de cette vie d'ici-bas que le jugement juste et équitable. Ce jugement juste et équitable avec lequel est venu Allah Azza wa Jal dans sa législation. Car, en effet, comme nous le dit le Cheikh, la législation d'Allah, tabaraka wa ta'ala, l'islam, ce n'est que de l'équité et de la justice. Et comme Allah Azzawajal l'a rappelé dans plusieurs de ses versets, il nous ordonne d'être juste. Il nous ordonne d'être juste et équitable dans plusieurs de des versets de dans plusieurs versets de son livre Tabaraka wa Ta'ala, comme par exemple dans ce verset que le Cheikh nous a cité. Dans le sens approximatif de ces paroles, certes, Allah commande l'équité, la bienfaisance et l'assistance aux proches, et il interdit la turpitude, l'acte répréhensible et la rébellion. Il vous exhorte afin que vous vous souveniez. Donc certes, Allah commande l'équité. Donc le Cheikh de nous dire que Allah Azza wa Jalla rappelle cela dans plusieurs versets de son livre, où il nous ordonne d'être équitable et juste, et il nous dit, Habibullah Ta'ala, que Allah Azza wa Jalla a légiféré cette religion et l'a basée sur la justesse et l'équité. Et plutôt, Allah Azza wa Jalla a légiféré la justesse et l'équité et a interdit l'injustice à sa propre personne et à ses serviteurs, comme il est venu dans ce hadith qui est rapporté par Abi Dharr al-Ghifari. Radiallahu anhu, comme dans Sahih Muslim, où le prophète sallam rapporte les paroles de son Seigneur tabaraka wa ta'ala dans un hadith Qudsi, où Allah Azza wa Jalla dit, dans le sens approximatif de ces paroles, je me suis interdit à moi-même l'injustice et je l'ai rendue interdite pour vous. Donc ne soyez pas injustes les uns envers les autres. Et le Cheikh nous a cité aussi, pour illustrer cela, ce hadith qui est rapporté dans le Sahih de l'imam al-Bukhari, ce hadith où cette personne, c'est-à-dire la tête de al-Khawarij, Dhul Khuwaisira al-Tamimi, a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il partageait le butin de Hunayn, il partageait le butin et cette personne, Dhul Khuwaisira, est venue le voir et lui a dit « Sois juste, ô Muhammad. Sois juste et équitable, ô Muhammad. » Sallallahu alayhi wa sallam, le prophète de lui répondre « Tu es certes voué à la perdition, tu es certes perdu ou tu as certes perdu si je ne suis pas juste et équitable. » Et le Cheikh doit dire que dans une autre version, « Je suis certes perdu et je suis certes perdu. » Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui aurait dit « Moi, en parlant de sa propre personne, je suis certes perdu et voué à la perdition si je ne suis pas juste. » Donc deux versions de ce hadith. Et le Cheikh de nous dire qu'il nous apparaît de ces preuves que nous avons rappelées que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a toujours jugé avec justesse et équité, et celui qui pense autre que cela, eh bien il est certes perdu, il est certes voué à la perdition. Et donc le Cheikh de revenir et de nous dire que la seule chose qui réformera les gens, ce sera la justesse et l'équité sur laquelle Allah Azza wa Jalla a construit sa religion et avec laquelle Allah Azza wa Jalla a envoyé ses messagers afin qu'ils réforment par cette justesse, cette équité les peuples, leurs peuples, dans leur religion ainsi que dans leur vie d'ici-bas. Et le Cheikh de nous dire après cela que si l'ilhad, l'athéisme, est construit sur l'inverse de l'islam, est construit sur le fait de ne pas reconnaître l'existence d'un créateur, de ne reconnaître aucune législation, de ne reconnaître aucun livre et aucun messager, aucun message, eh bien elle est certes, l'ilhad, cet athéisme, il est certes construit sur l'inverse de ce sur quoi est construit l'islam. Et sur quoi est construit l'islam, comme le Cheikh vient de nous le dire, sur l'équité et la justesse. Donc nous voyons ici que l'ilhad, l'athéisme, est construit sur l'inéquité et l'injustice. Donc l'ilhad, l'athéisme ne sera jamais un chemin à emprunter pour la réforme des gens dans leur bas monde et dans leur au-delà. Et le Cheikh doit nous dire, si nous avons compris cela, nous comprenons le futur de nos jeunes, des jeunes de cette communauté, et le cheikh de rajouter, et aussi le futur des jeunes parmi les mécréants qui rentrent dans cette porte, la porte de l'athéisme. Nous comprenons que leur futur sera un futur sombre, qui ne sera, où il n'y aura pas de réforme, et leur vie d'ici-bas ne sera pas réformée, elle ne sera pas droite comme leur vie dans l'au-delà. Le cheikh de nous donner, après cela, quelques causes de, qui ont permis à l'athéisme de se répandre. Il nous dit, le cheikh, que parmi ces causes-là, le fait qu'il y a des restrictions au niveau de... C'est-à-dire que les, le cheikh doit nous dire que les prêcheurs à la vérité sont restreints dans leur manière de prêcher. Ils ne peuvent pas prêcher donc cette vérité comme ils le devraient ou comme ils le pourraient, devraient le pouvoir, comme ils se devraient. Il leur est plutôt imposé des restrictions qui ne sont pas imposées aux prêcheurs du faux et aux prêcheurs de l'athéisme. Comme cela aussi, il est embelli aux gens de la masse, les prêcheurs du faux, les prêcheurs des innovations, et parmi ces plus grandes innovations, l'athéisme qui est question ici. Il est embelli aux gens, ces prêcheurs-là, et plutôt on renvoie les gens et les jeunes de cette communauté vers eux. Et comment il leur est embelli ces gens-là? En leur donnant certaines places, comme par exemple ces places de commentateurs et de présentateurs et de tenir des émissions sur ces chaînes satellites, comme on l'a déjà évoqué, et comme chacun de nos machaires que nous avons appelés mettent en garde sur cela, ces chaînes télévisées qui répondent à un grand mal et qui répondent les pensées de ces prêcheurs aux faux et aux innovations, et parmi ces plus grandes innovations, ce qui est question ici, l'athéisme. Ces prêcheurs qui ont une place, comme nous le dit le cheikh, sur ces chaînes, qui est une place très importante, ils ont des émissions, ils appellent à cela ouvertement. Et le cheikh de nous dire, alhamdoulillah, la vérité est bien sûr toujours gagnante. Il ne faut pas croire, comme la personne qui regarde cela, qui a un regard général ou extérieur, ou qui entend et qui voit ce qui se passe, donc qui pense que les prêcheurs à cette pensée, la pensée de l'athéisme, sont les gagnants, sont ceux qui auront vaincu la vérité, ce sont eux qui sont mis en avant. Non, alhamdulillah, al-haq, la vérité est toujours celle qui sera secourue par Allah Azza wa Jal, comme il le dit dans son livre, et c'est elle, donc la vérité, qui sera toujours celle qui triomphera, comme Allah Azza wa Jal le dit dans plusieurs versets de son livre. Mais plutôt, c'est quelque chose que nous ne pouvons pas mécroire. C'est une chose qui est devant nous, que ces gens qui appellent à ces pensées, qui sont des pensées destructrices, à ces pensées, parmi elles, à l'athéisme, eh bien, ils ont une certaine force et ils sont mis en avant. Et les gens les regardent et les écoutent par ces causes, ou à cause de ces choses que nous avons évoquées précédemment. Donc le cheikh de mettre en garde les jeunes contre cela et de nous dire que si vous réfléchissiez, si nous réfléchissons un petit peu, nous voyons que al-ilhad, l'athéisme, eh bien il n'est appuyé par rien du tout, par aucune preuve, ni de la raison, ni de la saine nature, ni de la législation musulmane. Et toutes ces preuves, ces trois preuves que nous avons citées, donc les preuves de la saine nature, les preuves de la raison et les preuves de la législation, eh bien, elles vont plutôt à l'encontre de l'athéisme. Elles nous montrent, ces preuves-là, que l'athéisme est une pensée qui n'est pas acceptable. C'est une pensée que nous ne pouvons pas accepter pour les gens qui sont doués de raison, les gens qui sont sur une saine nature, les gens qui sont doués de religion, qui suivent une religion, eh bien, ceux-là ne peuvent pas accepter de rentrer dans l'athéisme. Le cheikh de nous dire que parmi ces dangers pour les jeunes, il y a, on revient encore une fois, le cheikh nous ramène encore une fois à la définition de l'athéisme, l'ilhad, qui est le fait de ne pas reconnaître l'existence d'un créateur. Le cheikh de nous dire que si ces personnes-là, ces jeunes-là rentrent dans l'athéisme et ne reconnaissent pas l'existence d'un créateur, ce créateur qui leur a interdit des choses et qui leur a ordonné des choses, s'ils ne reconnaissent pas son existence, ils ne feront pas, ils transgresseront ces interdits et ils ne feront pas, ils n'obéiront pas à ses ordres, ils n'obéiront pas aux ordres d'Allah tabaraka wa ta'ala, puisqu'ils ne le reconnaissent pas à la base. Donc, si ils n'ont pas ce créateur qui leur interdit, qui leur ordonne, qu'est-ce qui pourra leur interdire de faire des turpitudes et du blâmable, et qu'est-ce qui pourra leur ordonner de faire des bonnes actions? Le shir de nous dire que ça, c'est un des plus grands méfaits de l'athéisme. Le fait qu'ils ne reconnaissent pas l'existence du créateur, donc ils ne reconnaissent pas l'existence de quelqu'un qui sera, qui leur donnera des ordres de faire de vrai dans les bonnes œuvres, et ne reconnaissent pas l'existence de celui qui leur interdit de commettre la turpitude et le blâmable. Donc ils seront comme des bestiaux, et qu'ils ne feront, qu'ils se comporteront comme cela. Il n'y a personne pour leur interdire de voler, de mentir, de tricher, de faire, d'accomplir les mauvaises œuvres, d'accomplir la turpitude. Il n'y a personne qui pourra les empêcher de cela. Et l'appel et la prêche à l'athéisme, c'est une prêche à ne... c'est une prêche, comme nous le dit le shir ici, la prêche à la turpitude, l'appel à l'appel à l'athéisme, excusez-moi, c'est un appel à détruire les sociétés. C'est la prêche l'appel à l'ilhad, à l'athéisme, c'est un appel à la destruction des sociétés. Car, le cheikh nous explique cela, c'est un appel à la destruction des sociétés. Car l'athée n'aura rien devant lui qui lui fera peur et qu'il craindra. Il ne craindra pas Allah Azza wa Jal, parce qu'il ne reconnaît pas l'existence d'Allah. Il n'aura pas peur d'Allah tabaraka wa ta'ala, de son châtiment, car il ne reconnaît pas l'existence d'Allah. Donc, comment cette personne-là, qui sera un athée, il pourra avoir peur pour sa patrie, peur pour sa société. Il pourra craindre de faire du mal à son père et sa mère, à ses enfants, à ses voisins. Eh bien, celui-là, il n'y aura rien qui le repoussera de faire cela, car l'existence de son créateur, il ne la reconnaît pas. Eh bien, le shir nous dire que certaines personnes, vous diront que ce sont les lois que l'homme a mis en place qui le tiendront, qui l'ordonneront et qui l'empêcheront de commettre le blâmable. Le shir de dire que non, ces lois qui ont été mises en place par l'être humain ne pourront pas le retenir. Pourquoi? Il nous l'explique tout de suite. Le shir de nous dire, avant de nous expliquer cela, que les athées, ceux qui appellent à l'athéisme, refusent bien sûr l'ensemble des religions, qu'elles soient fausses ou véridiques, que ce soit l'islam ou n'importe quelle autre religion, et ils les apparentent, ils les associent à des gens qui sont des gens ignorants, des gens qui sont comme des bestiaux, alors que ce sont eux qui vivent, c'est-à-dire les athées, comme des bestiaux qui n'ont pas de seigneur, qui leur interdit, qui leur pose des limites et qui leur ordonne de faire des bonnes actions. Le shir de nous dire que les lois mises en place par l'homme, les lois mises en place dans chaque société, ne peuvent pas empêcher l'athée à faire toutes ces turpitudes que nous avons évoquées précédemment. Car ces lois ne sont pas construites sur le fait de sentir et ressentir qu'il y a quelqu'un qui te voit à chaque chose que tu fais, qui te regarde et qui t'entend à chaque œuvre que tu œuvres. À l'inverse de Shara'a, c'est-à-dire les législations qui ont été mises en place par le Seigneur des mondes, Allah Tabaraka wa Ta'ala, cette dernière législation qui est la législation qui a abrogé toutes les autres législations, la législation islamique qui, elle, éduque les gens à vivre sans cesse dans le fait de sentir que Allah Azza wa Jal nous voit et sait ce que nous œuvrons à chaque moment. Et c'est cette chose-là qui empêche le musulman de tomber dans ses turpitudes et dans ce blâmable et dans ses mauvaises œuvres. À l'inverse de cet athée qui ne reconnaît pas cela et qui, lui, aura peut-être parfois, lorsqu'il sera vu par les autorités, s'arrêtera de faire ses turpitudes, ne pourra pas faire cela, peut-être qu'il sera corrigé ou châtié par ces autorités-là, mais au moment où personne ne le verra, eh bien, il ne s'empêchera pas de commettre ce blâmable. Comme cela, le cheikh nous dit que ces lois ne sont pas des lois, ce sont des lois qui ont été faites par l'homme, ce ne sont pas des lois divines qui ont été mises en place par Allah tabaraka wa ta'ala, qui sont parfaites. Les lois mises en place par Allah tabaraka wa ta'ala sont parfaites. Ils n'ont aucune faille. À l'inverse des lois mises en place par l'être humain qui sont faillibles et qui laissent une certaine, le cheikh a cité le mot, liberté aux hommes. Il lui laisse une certaine liberté, c'est-à-dire qu'il n'est pas infaillible, qu'il n'entoure pas toutes les facettes de sa vie. Donc il aura une certaine liberté dans laquelle il pourra sortir pour faire ces turpitudes-là, l'inverse de la législation d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et le cheikh de nous dire qu'après cet exposé, vous voyez que la seule loi qui est juste et qui est construite sur l'équité et la justice, la seule loi qui réforme les gens dans leur vie d'ici-bas comme pour leur au-delà, eh bien, c'est la législation d'Allah tabaraka wa ta'ala, bien au-dessus de la loi des hommes. Et le cheikh de nous rappeler, de nous donner cela en parenthèse, de nous dire que celui qui regarde la, ou qui étudie, qui écoute et qui lit la biographie, l'histoire des rois et des savants qui faisaient partie des athées, c'est-à-dire des rois, des gouverneurs, enfin des gens qui gouvernaient des peuples, des rois athées comme des savants athées, eh bien ils voient que ce sont des gens qui ont fait maintes et maintes crimes, qui ont fait maintes et maintes crimes, des crimes à l'humanité. Chose qui nous montre bien qu'il n'y a pas une chose, donc le shir nous dit à l'inverse donc des souverains et des savants musulmans qui, eux, reconnaissent donc l'existence de leur Seigneur et qui ont quelque chose qui les arrête. Donc, ils sentent que Allah Azza wa Jal les voit, les observe et sait ce qu'ils font. Donc, cette chose qui les arrête, à l'inverse de ces gouverneurs et ces savants parmi les athées qui n'ont rien qui les arrête devant eux. Donc nous voyons maintes et maintes crimes, même des crimes contre l'humanité. Le cheikh de nous rappeler aussi ce hadith qui est rapporté par Mu'ad ibn Jabal radiyallahu anhu, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam le dit dans le sens approximatif de ses paroles: ô Mu'ad, ne te dirai-je pas ou ne t'informerai-je pas du droit d'Allah azza wa jalla sur ses serviteurs et du droit des serviteurs sur Allah tabaraka wa ta'ala? Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué à Mu'ad radiyallahu anhu que le droit d'Allah azza wa jalla, c'est qu'il l'adore et qu'il ne lui associe rien. Et le cheikh de nous dire que, regardez, ceci est le droit d'Allah tabaraka wa ta'ala, le plus grand des droits. Eh bien, l'athée ne respecte même pas ce droit-là. Le droit le plus important, le plus grand des droits, le droit de notre Seigneur tabaraka wa ta'ala. Donc, qu'en est-il du droit d'autrui? Vous ne pourrez jamais être apaisé face à un athée, car celui-là, s'il ne respecte pas le plus grand des droits et qu'il ne reconnaît pas le plus grand des droits, qu'en est-il donc du droit d'autrui? Il ne respectera jamais le droit de ses voisins, le droit de ses pères et de ses mères, le droit de ses enfants, le droit de sa famille, et il sera facile pour lui de transgresser ses droits. Donc cela, le shirk nous l'évoque afin de nous démontrer les méfaits de l'athéisme pour la communauté, pour les sociétés en général. Et comme le shirk l'a rappelé par le passé, que c'est un méfait immense pour les jeunes musulmans comme pour les jeunes non musulmans. Et le cheikh de nous dire de conclure cet exposé en nous disant que celui qui réfléchira et qui méditera sur cela, ce que nous avons évoqué et exposé ici, il se rendra compte que l'ilhad, l'athéisme, est une chose qui détruit la religion, qui détruit la société et qui œuvre à répandre les bas comportements et les turpitudes et les actes blâmables. Ça, c'est un résumé de ce qu'est l'ilhad ou du résultat de l'athéisme. Ensuite, le shir nous clôture ce cours en nous expliquant certaines preuves, ou en nous donnant certaines preuves du fait que l'athéisme est une religion, entre guillemets, caduque. Il nous dit que ces preuves sont des preuves que nous prenons de la législation, que nous prenons de la raison et que nous prenons de la saine nature. Parmi ces preuves que nous prenons de la raison, le cheikh a rappelé un enfant, un petit enfant d'un an, qui lui, lorsqu'on le frappe sur sa nuque, eh bien, cet enfant, qui n'est pas quelqu'un qui comprend les choses, qui n'est pas une compréhension comme un adulte, eh bien lui, automatiquement, il se retournera afin de chercher quelle est cette personne qui l'aura frappé sur sa nuque. Et si on lui dit que personne ne t'a frappé, c'est arrivé comme ça, lui-même continuera à chercher la personne qui l'aura frappé, malgré que c'est un enfant, un petit enfant qui n'a pas toute sa raison comme un être humain, comme un être humain adulte. Eh bien, nous voyons, le cheikh nous donne cet exemple-là, il nous dit que c'est un exemple qui est donné par l'ulama, par les savants, pour réfuter les gens de l'athéisme qui, eux, leur religion et cette pensée, l'athéisme, est basée sur le fait qu'il n'y a pas, donc il n'y a pas de créateur, donc que nous sommes arrivés comme cela, sans qu'il y ait quelqu'un qui nous a fait venir, qui nous a créé. C'est-à-dire que les gens sont créés sans qu'il y ait de créateur. Eh bien, les savants utilisent cet exemple, comme nous le dit le cheikh, pour nous montrer qu'il n'y a pas une chose sans qu'il y ait eu une cause et qu'il y ait eu un effet. Il y a une cause et un effet. Il y a eu un créateur, quelqu'un qui a fait la chose. Donc ici, il y a bien quelqu'un qui a frappé l'enfant. Et le cheikh de nous dire et de s'exclamer, qu'en est-il alors de toute la création que nous voyons autour de nous, du ciel et de la terre, du soleil et de la lune et de l'ensemble de cette création qui est une création immense? Comment aurait pu-elle être arrivée comme cela sans qu'il y ait eu un créateur qui l'ait créé? Aussi le shir nous donne comme exemple le fait que tu dises à un athée qu'il a été fait telle et telle chose avec ta femme, ou que ta femme même s'est fait tuer. Eh bien, si cette personne, on lui dit, voilà, une personne a fait telle et telle chose avec ta femme, une personne a tué ta femme, eh bien, le cheikh de dire, ta femme a été tuée, ta femme, il lui a été fait telle et telle chose, c'est-à-dire qu'elle a été violée de cette manière-là, ta femme a été violée, et il n'y a personne qui l'a violée, il n'y a personne qui l'a tuée, mais elle a été tuée. Donc, cette personne-là, si vous lui dites cette chose-là, à un athée, eh bien, il ne vous croira pas. Malgré que c'est ça sa pensée, c'est ça son mouvement, c'est ça sa religion. Le fait de penser qu'il n'y a pas de faiseur, il n'y a pas de créateur. Et malgré cela, si tu lui exposes les faits de cette manière-là, il ne croira pas en toi. Et il cherchera bien sûr la personne qui aura violé sa femme, ou l'ayad billah, la personne qui aura tué sa femme. Donc il n'est pas véridique même dans sa pensée, même dans sa religion. Le cheikh de nous dire que cela fait partie des exemples les plus clairs qui montrent que c'est une pensée qui est caduque. C'est un mouvement, une religion, l'athéisme qui est caduque. Et le cheikh de nous dire que l'ensemble des personnes douées de raison parmi les savants et autres, tous ceux qui sont doués de raison sont d'accord sur le fait que l'athéisme est une pensée caduque, une pensée qui n'est pas viable. Et le cheikh de nous dire que parmi les meilleures réfutations et les réfutations les plus fortes que nous pouvons émettre aux Zaté, c'est ce qui a précédé le fait qu'il n'y a pas une œuvre qui est faite sans qu'il y ait une personne qui a œuvré cette œuvre. Il n'y a pas une chose qui est faite sans qu'il y ait eu une personne qui a fait cette œuvre-là. Et le shir de terminer en nous disant que nous voyons que dans la législation d'Allah tabaraka wa ta'ala, Allah Azza wa Jal dit dans son livre, tabaraka wa ta'ala, dans le sens approximatif de ses paroles, ont-ils été créés à partir de rien ou sont-ils eux les créateurs? C'est une parole, dans le sens approximatif de ces paroles, bien sûr, c'est une traduction approximative d'une parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ont-ils été créés à partir de rien ou sont-ils eux les créateurs? Le shir nous dit que ça, c'est une des plus grandes réfutations que vous pouvez faire à un athée. Cette parole d'Allah Azza wa Jal, et l'explication de cette parole se trouve dans As-Sahihayn, Sahih al-Bukhari wa Sahih Muslim, où ce sahabi, Jubayl ibn Mut'im, est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine, et pendant là, il était mécréant à cette époque-là, il est arrivé au moment de la prière de l'Maghrib, donc une prière à voix haute, et il entendit le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam réciter surat al-Tur, et arrivé à ce verset lorsque Allah Azza wa Jal dit « Am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun » et bien il dit lorsque j'ai entendu Jubayl ibn Mut'im, il dit lorsque j'ai entendu ce verset, j'ai senti comme si mon cœur allait s'envoler. Le shir vient de dire pourquoi et de répondre car il est impossible qu'une chose soit venue là sans qu'il y ait de créateur, une chose soit créée sans qu'il y ait de créateur, une chose soit faites sans qu'il y ait quelqu'un qui l'ait faite. Et ça, c'est une chose que l'Arabe de l'époque avait très bien compris. Et c'est pour cela que ce sahabi, Jubayl ibn Mut'im, a dit cette chose-là. Lorsque j'ai entendu ce verset-là, j'ai senti comme si mon cœur allait s'envoler. Donc ça, le cheikh doit nous dire que c'est une des preuves les plus fortes pour réfuter les athées. Aussi, le cheikh termine le cours en nous disant, en nous rappelant une parole de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, qui rapporte que l'athéisme n'est pas une chose, n'est pas une croyance d'un groupe de personnes, c'est-à-dire un groupe qui se démarque de cela, ce sont les athées. Un groupe qui s'appelle les athées, comme cela. Mais plutôt, c'est une croyance qu'ont inventé certaines personnes ici et là. Certaines personnes, certains petits groupes ou des personnes seules, des individus seuls ont inventé une chose qu'ils ont imaginé dans leur esprit, et c'est juste une parole qui est disséminée ici et là, mais ce n'est pas une parole que un groupe de gens a adoptée comme dogme, etc. Donc c'est quelque chose qui n'a pas vraiment d'existence à la base. C'est une chose qui n'a pas vraiment d'existence, c'est une chose qui a été inventée dans l'esprit d'une personne ici, une personne là, qu'ils ont rassemblé. Et à la base, ce n'est pas quelque chose qui constitue un dogme d'un certain groupe de gens qu'on dit, eux, ce sont le groupe des athées. À la base, c'est cela. Et bien sûr, le shir met l'accent sur le fait qu'au jour d'aujourd'hui, eh bien, ils ont des groupes, et ils font des conférences, ils appellent à cela, ils écrivent des livres, et pour cela le shir termine son cours en nous enjoignant à être assidus dans l'étude de la science, dans le fait de répandre la science et de combattre l'ilhad, l'athéisme, et de mettre en garde contre cette pensée-là, l'athéisme. Et il nous dit que bien sûr ça fait partie des meilleures choses que tu peux faire, c'est-à-dire de mettre en garde contre ce péché qui est au-dessus de l'association à Allah tabaraka wa ta'ala, qui est le plus grand des péchés. Il est obligatoire pour nous de mettre en garde contre eux et de répandre les mises en garde contre eux. Il est obligatoire pour nous aussi d'apprendre التوحيد et de le répandre. Il est obligatoire pour nous, afin de combattre ces gens-là, d'apprendre التوحيد, l'unicité d'Allah Azza wa Jalla, de le répandre, d'appeler à ce dernier, التوحيد. Le Cheikh nous enjoint à étudier la science et être assidu dans cela, dans l'étude de la science profitable, de la science délivrée d'Allah et de la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de répandre cette science-là et d'œuvrer, plutôt d'étudier la science, d'œuvrer selon cette science que nous avons appris, de la répandre et d'appeler à elle et de patienter sur ce qui nous atteint comme nuisance lors de notre prêche et de notre appel à cette science, la science du livre d'Allah et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le shir de nous dire, sachez que les gens de la vérité sont peu, sont une petite poignée, mais lorsque tu sauras cela et que tu aura cette certitude, le fait que les gens de la vérité sont peu, un petit groupe, eh bien, tu seras plus avide de demander la science et d'appeler à cela et de répandre la vérité et de combattre le faux. Et le shir de terminer en nous disant qu'il ne convient pas non plus que les gens de l'haq, les gens de la vérité, soient des gens qui soient connus comme des gens qui font des péchés, qui n'étudient pas la religion d'Allah Azzawajal, qui font telle et telle chose, ils soient connus pour cela, et que les gens de l'innovation soient connus comme des gens qui étudient la religion, comme des gens qui sont des gens pieux, comme des gens qui soient comme cela. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas acceptable. Donc pour cela, le Cheikh nous enjoint à se démarquer par nos bons comportements et par nos œuvres pieuses et par l'étude de la science profitable. Wa ila huna wa billahi tawfiq. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين